Mais sans déconner, ce produit, Roger, c'est quand même un produit à... Comment dire à... Il a beaucoup de vertus, quoi. Ouais. Ça, si ça arrive sur le marché... Bah, tous les ça a bouleversé ma conscience, Roger. C'est pas des conneries. Thank you.